La fibre de SFR débarque chez Monsieur Ultra Rapide. Ah, vous savez, nous, on aime quand ça va vite, et avec la fibre à la maison, ça va très vite. Je stream mes séries avant tout le monde, mon fils est le plus rapide sur les jeux en ligne, ma femme écoute de la musique en supersonique, je stream des séries, mais ça, j'ai déjà dit. Ah, et on peut aussi télécharger, on peut faire... C'est le moment de passer à la vitesse de la fibre. Jusqu'au 27 avril, la fibre de SFR est à seulement 15 euros par mois pendant un an, puis 38 euros. Rendez-vous sur sfr.fr. Offre soumise à condition d'éligibilité réservée aux nouveaux clients. Box mise à disposition, engagement 12 mois, frais d'ouverture de service 49 euros. Bonjour, c'est Fabrice Drouel. Je vous propose, en attendant de revenir très vite avec des épisodes inédits d'Affaires Sensibles, bien sûr, de redécouvrir les fameux rendez-vous avec X. Cette émission culte de Patrick Penaud va vous permettre de pénétrer dans de nombreuses affaires sensibles dans les coulisses des services secrets français. Une fois n'est pas coutume, commençons par une anecdote. La scène se passe en septembre 1970 dans le bureau du président Juan Perón à Buenos Aires, Buenos Aires si vous voulez. Il donne audience à un écrivain, Thomas Eloy Martinez, et parle avec enthousiasme d'un généticien qu'il a reçu à plusieurs reprises. Un scientifique qui travaille à l'amélioration du bétail dans une grande propriété du Paraguay voisin et fait des merveilles. Un Bavarois cultivé et bien bâti, fier de ses origines. « Et comment s'appelle ce petit génie ?» demande l'écrivain. « Grégor, » répond Perón. « Le docteur Grégor, autrement dit Joseph Mengele, le diabolique médecin d'Auschwitz qui se fait désormais appeler ainsi. » Si j'ai commencé par là, c'est pour souligner combien l'Argentine a été une terre d'asile pour les nazis après la défaite du Troisième Reich. Des fuyards qui ont été accueillis en toute connaissance de cause par les autorités, d'où l'antisémitisme latent qui imprègne de larges pans de la société argentine, en particulier dans l'armée et la police. Alors comment s'étonner si c'est justement en Argentine qu'ont été perpétrés dans les années 90 deux attentats antisémites d'une extrême gravité. Et surtout, comment s'étonner que l'enquête sur les responsables de ces deux crimes ait si longtemps bafouillé et même été sciemment sabotée. Et qu'aujourd'hui encore, on ne sache pas qui étaient les commanditaires, malgré l'apparente détermination des autorités argentines actuelles. Monsieur X revient sur les circonstances de ces attentats et ouvre des pistes. Cruz en el cielo, brilla el dolor de un recuerdo. Corazón, ay de mi corazón, ¿dónde está la que espero? Trenzas de sombra y un moño azul en el pelo. Corazón, ay de mi corazón, se perdió y no la encuentro. Rueda entre nubes la luz. Adentro de la laguna, sombras de pluma, niebla flotando en el río. Corazón, ay de mí, ay de mi corazón, cerrazón del olvido. Luz en mi noche, poncho de amor en el frío. Corazón, ay de mi corazón, ¿dónde está su camino? Entre nubes la luna. Adentro de la laguna. Patrick Penaud, rendez-vous avec X. Le premier attentat a eu lieu le 17 mars 1992 à l'heure du déjeuner. Une auto, piégée, explose contre le bâtiment de l'ambassade israélienne à Buenos Aires. Mais ça prouve les insuffisances de l'enquête. Selon certains, les explosifs auraient été disposés à l'intérieur de l'immeuble. Quoi qu'il en soit, la déflagration est spectaculaire et cause la mort de 28 personnes, dont 11 Israéliens. Et l'attentat est-il revendiqué ? Oui, mais comme toujours dans ce genre d'affaires, il faut prendre les revendications avec prudence. Non, parce qu'il y a plusieurs revendications. Au moins deux. La première émane d'une organisation palestinienne inconnue, l'autre d'un groupe nazi. Et cette dernière revendication paraît assez plausible pour le gouvernement qui met aussitôt en lumière une possible collusion entre des militaires d'extrême droite et des nostalgiques du Troisième Reich. Mais dans le même temps, le président argentin, Carlos Menem, demande l'aide du Mossad et de la CIA. Ah, c'est qu'il croit, lui, à une piste étrangère. Et d'ailleurs, presque immédiatement, Israël accuse l'axe irano-syrien. Avec des preuves ? Non, mais on va y revenir, car il existe des faits très troublants. Le deuxième attentat se produit 2 ans plus tard, en juillet 1994. Là encore, c'est une voiture piégée qui est précipitée contre un bâtiment, celui de l'AMIA, l'Association Mutuelle Israélite d'Argentine. C'est donc un attentat suicide ? En effet, et qui provoque un véritable massacre. 85 morts et plus de 300 blessés. C'est l'attentat antisémite le plus grave depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. À noter qu'à côté des pertes humaines, c'est la mémoire de la communauté juive d'Argentine qui disparaît, car l'immeuble a été littéralement soufflé et toutes les archives sont détruites. Des archives, mais aussi de précieux documents sur les nazis exilés en Argentine. En Argentine, où c'était réfugié, enfin, par exemple, Adolf Eichmann. Oui, et puis bien d'autres criminels de guerre. Juan Perón, grand admirateur des dictateurs européens, les a accueillis à bras ouverts dès la fin de la guerre. L'Argentine était alors la destination finale des filières mises en place avec la complicité de certains dignitaires de l'Église catholique. Mais je reprends mon récit. Attendez, est-il possible que les commanditaires de l'attentat aient d'abord voulu détruire ces fiches établies sur les anciens nazis ? Je n'exclus rien. Alors, la suite. Ce deuxième attentat provoque un véritable choc chez les Argentins qui manifestent en masse dans les rues de Buenos Aires. Et le gouvernement décrète 3 jours de deuil national. Et les revendications, là ? Au Liban, un mystérieux commando islamique s'approprie la responsabilité de l'attentat. Quant aux Israéliens, furieux, ils accusent l'impéritie des autorités argentines, incapables de prévenir ce deuxième attentat et désignent le commanditaire. Pour eux, c'est le Hezbollah libanais. Ouais, c'est-à-dire indirectement l'Iran. Bien entendu. Mais sur quelle base repose cette accusation ? Il ne peut s'agir que d'informations recueillies par les services secrets. Ouais. Donc sans véritable preuve. Et c'est si vrai qu'un journaliste israélien, très bien introduit au Mossad, peut même affirmer que la décision de perpétrer l'attentat était prise en juin 1994, au cours d'une rencontre à Damas entre Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah, et le ministre iranien des Affaires étrangères, Velayati. Très précis. Un peu trop, oui. Et pour vous, c'est suspect, ça ? Manifestement, dans cette affaire, le Mossad fait de la communication. Et ce n'est pas innocent. C'est en effet l'époque où Israël et l'OLP de Yasser Arafat viennent de se reconnaître mutuellement après les accords d'Oslo. Et ça ne plaît guère aux Israéliens les plus conservateurs. Autre chose, à Londres, un peu plus d'une semaine après l'attentat de Buenos Aires, une voiture piégée explose devant le siège de plusieurs organisations juives, tandis qu'une autre bombe éclate devant les bureaux d'un organisme chargé de récolter des fonds pour Israël. Ah, il s'agirait donc d'actions concertées. Où à Jérusalem, on voit naturellement la main des adversaires les plus résolus de l'État hébreu. L'Iran ? Et son appendice libanais, le Hezbollah. Il ne faut pas oublier qu'Israël occupe encore le Liban Sud et que les combattants islamiques ne cessent de harceler Tzahal. Et nous allons voir dans le détail les arguments qui permettent éventuellement d'impliquer le Hezbollah dans les attentats de Buenos Aires. Auparavant, quelques mots sur la situation des Juifs en Argentine. Car ce sont bien eux les premières victimes. Bien sûr, oui. Et d'abord, combien sont-ils ? 300 000. La plus grosse communauté israélite d'Amérique latine. Et la quatrième au monde. Et l'implantation de ces familles a commencé à la fin du XIXe siècle à l'initiative du baron de Hirsch. ce riche philanthrope, voulait offrir aux Juifs persécutés en Europe de l'Est un havre de paix. L'Argentine, qui possédait de vastes territoires vierges, lui semblait tout désigné pour accueillir des dizaines de milliers d'Israélites. Il a d'ailleurs acheté là-bas quelques 100 000 hectares. Alors, une sorte de colonisation ? Exactement. Sauf qu'à l'inverse de l'inventeur du sionisme, Théodore Herzl, le baron n'envisageait pas la création d'un État juif. En tout cas, et malgré de nombreuses difficultés, Hirsch a réussi à faire venir 35 000 juifs en Argentine. Et comment ont-ils été accueillis hein? Dans ce pays encore très religieux, encore influencé par un catholicisme digne de la reine Isabelle la catholique. Dans l'Inquisition, hein, oui, où les juifs étaient d'abord les assassins du Christ, donc... Forcément, ça ne s'est pas toujours très bien passé. D'autant qu'une rumeur propagée jusque dans les années 1970 prétendait que les Juifs voulaient créer en Patagonie un nouvel État hébreu, complémentaire de celui établi en Palestine. Un deuxième Israël, en somme. Oui, déjà baptisé Andinia. Naturellement, il s'agit d'une mystification, mais des Argentins y ont cru dur comme fer, et cette mauvaise plaisanterie a ajouté à l'antisémitisme latent. Vous n'exagérez pas un peu, là ? Ah bah pas du tout. Songez, et c'est une découverte relativement récente, qu'une circulaire secrète du ministère des Affaires étrangères interdisait avant-guerre... Donc avant Perón. Oui, interdisait l'entrée en Argentine des Juifs fuyant l'Allemagne nazie. Écoutez, d'autres pays, notamment en Europe, n'ont pas agi autrement. Et c'est malheureusement exact. Il était quand même prévu que les Juifs les plus riches seraient toutefois acceptés. Ah bon, quand même. Ouais, puis vient Perón qui ouvre grand les portes aux nazis, comme je vous l'ai dit. Des nazis allemands ou croates, dont certains ne se donnent même pas la peine de changer d'identité tant qu'ils se sentent tranquilles dans leur pays d'adoption. Et ça, ça ne peut que contribuer au renforcement du sentiment antisémite en Argentine. Bien entendu. Après le règne de Perón et de son épouse Isabella, vient la junte dirigée par le sinistre général Videla. À peine arrivé au pouvoir, il déclare, je le cite à peu près textuellement, « Tous les individus dont les idées sont contraires à la civilisation occidentale et chrétienne seront considérés comme subversifs. » Ah ben oui, ça c'est assez clair. Hein. Et vous savez ce que signifie être considéré comme subversif pour Videla et ses complices. C'est l'internement, la torture et souvent la mort. Et les Juifs argentins sont particulièrement visés. Sur 30 000 morts ou disparitions attribuées aux militaires, on trouve 12% de Juifs. Alors qu'ils ne représentent qu'un petit pourcent de la population. Et donc, discrimination. Hein. Ah, c'est évident. Ouais. Et avec la chute de la junte, alors, est-ce que l'antisémitisme va reculer ? Plus ou moins. Mais dans l'armée et la police, il n'a guère disparu. Dans les années 90, un ministre de la Justice, convaincu d'avoir été pro-nazi, a dû démissionner. Et régulièrement, on observe des manifestations antisémites. Drapeau nazi dans les stades de foot ou dégradation dans les cimetières israélites. En France aussi, hein. Certes. Toutefois, incontestablement, la communauté juive est inquiète. À tel point que des milliers de juifs argentins ont choisi de partir pour Israël. Et quelles ont été les réactions en Argentine après les deux attentats là ? Il y a eu naturellement un sentiment de compassion dans la population argentine. Mais les juifs, eux, ont eu tendance à se replier sur eux-mêmes. Certains ont même osé parler de ghetto. Ce qui est tout de même très exagéré, car beaucoup de juifs sont très intégrés et occupent des places enviables dans la société argentine. Mais c'est vrai qu'il demeure chez eux une crainte diffuse, d'autant que les premières décisions prises par le juge Galeano, chargé de l'enquête sur le deuxième attentat, n'ont pu que renforcer leur crainte. C'est-à-dire ? Il a arrêté plusieurs policiers de la police de Buenos Aires, accusés pour leur participation à l'attentat. Pour les juifs argentins, c'est bien la preuve que l'appareil d'État est infiltré par les néo-nazis. Thank you. France Inter, rendez-vous avec X. Antisémites, les Argentins ? C'est en tout cas ce qui ressort à la lecture d'un article de l'historien Robert Weisbrot, paru en 1994 dans le journal américain The New Republic. Après avoir observé que le règlement militaire a longtemps exclu les Juifs du corps des officiers et que jusqu'à peu le président de la République devait obligatoirement être catholique, Weisbrot écrit ceci. Les ressentiments d'ordre économique durcissent le sentiment antisémite face à l'inflation, au ralentissement de la productivité, à une dette extérieure paralysante et à une lutte des classes sans merci. Quand les Juifs sont arrivés pour la première fois en Argentine, ils ont été méprisés comme de simples camelots. Aujourd'hui, les Juifs qui ont réussi dans les affaires sont critiqués en tant que nouveaux riches. Les idéologies extrémistes se sont cristallisées sur cette hostilité souvent nébuleuse envers les Juifs, produisant des stéréotypes virulents, soutenus par un appel à la lutte contre une conspiration judéo-bolchévique visant l'État argentin. De telles accusations ont toujours un faux air de légitimité, parce qu'un nombre disproportionné de gens de gauche dans le pays, en particulier chez les communistes, ont été d'origine juive, même si, traditionnellement, la plupart des Juifs ont soutenu les candidats démocrates et anticommunistes. Au fur et à mesure que les Juifs ont consolidé leur position au sein de la classe moyenne, ces accusations ont été de plus en plus accompagnées d'avertissements sur leur rôle en tant qu'agents insidieux des banquiers étrangers. Ce qui a pu légitimement inquiéter aussi les Juifs argentins, c'est l'attitude du président Carlos Menem. Après le premier attentat, il déclare solennellement qu'il va ouvrir les archives sur les nazis réfugiés en Argentine. En fait, il ne fera que livrer quelques vieux dossiers sans intérêt. Toujours la volonté là, de protéger ces nazis. Ce qui me semble vraisemblable, oui. Alors, vous aviez commencé là, de me parler de ces policiers compromis. En effet, fin 1996, 32 fonctionnaires, dont un commissaire et 3 adjoints, sont mis sous les verrous. Mais que leur reproche-t-on exactement ? Ils auraient servi de courroie de transmission aux terroristes. Et tous seraient des policiers d'extrême droite. Un an plus tard, le gouvernement argentin franchit une nouvelle étape, encore plus spectaculaire. 5000 policiers, dont des dizaines d'officiers de haut rang, sont chassés. Toujours à cause des attentats ? Pas seulement. Cette énorme purge vise aussi à chasser de la police des hommes corrompus, liés au trafic de drogue et même à des assassinats. Et la réalité, là ? Ben, il y a certainement pas mal de policiers corrompus en Argentine. Mais lorsque le procès du sanglant attentat contre le centre culturel juif s'ouvre en 2001, on ne trouve dans le box des accusés que des seconds couteaux, dont l'homme qui aurait vendu la camionnette piégée aux terroristes et seulement 4 policiers. Alors l'accusation s'est pratiquement écroulée, quoi. Et l'on s'aperçoit que depuis le début, l'enquête n'a fait que cafouiller. Et d'ailleurs, les Argentins prétendument impliqués dans l'affaire finiront tous par bénéficier d'un non-lieu. Mais je vais y revenir, parce qu'on va aller de surprise en surprise. Ah bon ? Mais pourtant, vous m'avez-vous dit, la justice argentine avait fait appel au Mossad. Hein. Mm-hmm. Et il existe dans ce service des enquêteurs sérieux. Qui ont la réputation de ne jamais lâcher leur os, c'est vrai. Toutefois, je vous l'ai dit, le service israélien a commencé par faire de la communication. D'accord, mais enfin, soyez plus précis. Hein. Avant même d'avoir le plus petit début de preuve, le Mossad, et avec lui le gouvernement israélien, ont commencé à accuser l'Iran. Ouais, tout de suite après le premier attentat. Effectivement. Ouais. Une précipitation suspecte, selon vous. Ouais. En tout cas, une précipitation surtout politique. Il fallait immédiatement montrer du doigt les Iraniens et surtout le Hezbollah. On dirait que vous, alors, vous avez des doutes là, sur cette mise en cause. Ah ben, je n'ai pas dit ça. Mais c'est l'impression que vous donnez. Hein. Je m'efforce simplement, comme toujours, d'être le plus scrupuleux possible. Toutefois, vous n'avez pas répondu à ma question, hein, mais vous allez me dire, allons pas trop vite. Exactement. Mais je vous promets que je satisferai votre curiosité. Ouais. Alors tout de suite, une autre question. Là. Ces deux attentats, si j'en juge par les dégâts humains qu'ils ont provoqués, ont dû nécessiter une grande quantité d'explosifs. Sait-on comment ils sont arrivés en Argentine ? Les frontières de ce grand pays ont la réputation d'être assez poreuses. Et c'est un euphémisme. En outre, il existe au nord un curieux endroit qu'on appelle la triple frontière. C'est-à-dire ? C'est une sorte de triangle aux confins du Paraguay, du Brésil et de l'Argentine, tout près des chutes très pittoresques de la rivière Iguazú. Cette triple frontière est un haut lieu de tous les trafics. Drogue, armes électroniques, produits de luxe, contrefaits, on trouve ce qu'on veut dans cette zone de non-droit. Il n'y a pas de douane ? Mais si, il existe des douaniers. Suffit seulement de leur graisser la patte pour passer ce que vous voulez. Tant et si bien que ce triangle est devenu un gigantesque duty-free illégal. Cependant, ce qui est particulièrement intéressant là-bas, c'est que s'y sont installées d'importantes communautés qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer en Amérique du Sud. Par exemple ? Des Chinois, qui ont fait ce territoire à Hong Kong de la corruption et du trafic. Mais encore plus étonnant, il existe aussi, surtout dans la ville paraguayenne de Ciudad del Este et la cité brésilienne de Foz de Iguazú, de très nombreux Arabes originaires du Proche et Moyen-Orient, entre autres beaucoup de Libanais. J'ajoute que c'est aussi là que certains nazis se sont installés après la guerre. Mmh. Oui, parce qu'il était facile, en cas de difficulté, de passer d'un pays à l'autre. Naturellement. Et très tôt, les services secrets occidentaux se sont intéressés à cette zone cosmopolite où ont fleuri nombre de mosquées. Mmh. Et qu'ont-ils découvert ? La présence probable parmi cette communauté arabe de militants du Hezbollah. Admettons que ce soit vrai. Enfin, quel serait l'intérêt de ce parti islamique d'établir une base si loin du Proche-Orient ? Eh ben, pour ma part, j'en vois deux. D'abord, le Parti de Dieu, telle est la traduction de Hezbollah, pourrait y financer ses activités. En participant au trafic, alors. Ah, pourquoi pas ? En plus, le Hezbollah aurait la possibilité de réclamer une sorte d'impôt révolutionnaire aux commerçants libanais qui opèrent dans le secteur. Enfin, ça, c'est une pure hypothèse, car je n'ai pas de preuves. Le deuxième intérêt, c'est la contrebande d'armes. Le Hezbollah s'y approvisionnerait ? Rappelez-vous ce qu'on a dit lors de la guerre qui vient d'opposer les Israéliens aux hommes du Hezbollah. La sophistication de leur armement et de leur équipement a étonné. Oui, mais tout cela venait de l'Iran, non ? En grande partie, oui. Toutefois, il n'est pas exclu que le Hezbollah ait été tenté de diversifier son approvisionnement. Mais encore une fois, là, l'Amérique du Sud me paraît bien loin du Liban. Hein ? Sans doute, mais à partir de la triple frontière, on peut atteindre la mer en naviguant sur le Rio Panama, quoi qu'il en soit. Car je m'aperçois que je m'éloigne un peu. Il était logique d'imaginer que les auteurs des deux attentats de Buenos Aires aurait pu venir de la triple frontière et y retourner aussitôt leur forfait accompli. Ah mais toujours sans preuve, là, c'est... Vous avez raison. Et le Hezbollah a eu beau jeu d'affirmer que les rumeurs sur son implantation dans cette zone relevaient purement et simplement de la propagande. Propagande états-unienne et sioniste, bien sûr. C'est cette bonne guerre, non ? Certainement. Mais est-ce que ces accusations contre le Hezbollah, et donc l'Iran, ont eu des conséquences sur les relations entre l'Argentine et ce dernier pays-là ? Bah forcément. Et les tensions vont aller en croissant. Premier épisode, en 1998. Quatre diplomates iraniens quittent l'Argentine. De bon gré ? Ah ben certainement pas. Puis c'est au tour de l'attaché culturel dont le nom a été prononcé par les enquêteurs qui rejoint son pays. Mais alors que les Argentins ne cessent d'affirmer qu'ils possèdent des preuves impliquant les islamistes iraniens, on ne tente rien pour retenir ce diplomate. Ça aurait pu être une nouvelle affaire Gorgi. Ah, tout à fait. Un peu plus tard, en 2003, je crois. Le juge Galeano lance un mandat d'arrêt international contre l'ancien ambassadeur iranien en poste à Buenos Aires. Au moment des attentats ? Oui. Ce diplomate se trouve alors en Grande-Bretagne, où il suit des cours de doctorat dans une université. Et il est appréhendé. Et ne se trouvant pas dans son pays, il pourrait donc être extradé. En effet. Toutefois, au vu du dossier d'accusation transmis par la justice argentine, Londres refuse l'extradition et relâche cet ancien ambassadeur. Mais parce qu'il n'y a pas de preuves convaincantes dans le dossier. Ça me semble évident. Pendant, les relations de l'Argentine avec l'Iran ne vont pas s'apaiser, bien au contraire. Et elles viennent même, tout récemment, de s'aigrir encore un peu plus. Mais auparavant, je voudrais vous parler de l'une de ces surprises que je vous ai annoncées tout à l'heure. Car Carlos Menem, qui a quitté le pouvoir en 1999, se trouve aussi sur la sellette. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Avant de reparler de Carlos Menem, un petit retour en arrière sur cette triple frontière dont a parlé M. X. En 1995, le journal brésilien Veja São Paulo y a envoyé un reporter. À Foz, le conflit israélo-palestinien se délite dans la moiteur dont souffre la ville une bonne partie de l'année. C'est une colonie arabe ancienne, traditionnel, précise le secrétaire à l'industrie et au commerce de Foz, Roberto Applebaum, juif. Son père, Abraham, était associé à un commerçant palestinien de la ville. Je n'écarte pas la possibilité d'un lien entre la communauté et les terroristes de Buenos Aires, car les allées et venues sont nombreuses, dit Applebaum, mais je pense que c'est improbable. Les accusations de complicité avec le terrorisme frappent également Ciudad del Este, où la communauté arabe compte aussi 4000 personnes. Beaucoup d'entre eux habitent à Foz et empruntent tous les jours le pont de l'amitié. On essaie par ces accusations de diffamer Ciudad del Este, aujourd'hui l'un des centres commerciaux les plus importants au monde, estime l'un des commerçants les plus prospères de la ville paraguayenne. S'il n'est pas certain que la colonie arabe ait des liens avec le terrorisme, il est indéniable toutefois qu'elle a des problèmes avec la police en général. Il s'agit de contrebande. Que reproche-t-on à Carlos Menem ? Beaucoup de choses. Corruption, enrichissement personnel, et j'en passe. Mais il serait aussi intervenu de façon louche dans l'enquête sur les deux attentats. Ouais, plus précisément. En juillet 2002, le très sérieux New York Times l'accuse d'avoir touché 10 millions de dollars de l'Iran, alors dirigé par le président Rafsanjani. Une somme considérable destinée à écarter toute responsabilité de l'Iran dans l'attentat contre la communauté juive. Réaction de Menem, là, devant cette accusation ? L'ancien président argentin nie avec la plus grande énergie. Mais on découvre à cette occasion qu'il possède un compte en Suisse, ce qu'il avait pourtant toujours nié. Donc le doute demeure. D'autant qu'au vu de la confusion dont a fait preuve la justice argentine dans l'enquête, on peut légitimement se demander si le journal américain n'a pas tapé juste. Car il est aussi souligné que Carlos Menem, né dans la zone de la triple frontière, est d'origine syrienne. Ouais. Or, la Syrie a toujours été alliée à l'Iran. Hein. Et la famille de l'ex-président a été souvent mêlée à des affaires concernant le Proche-Orient. Sa belle-sœur, par exemple, a été soupçonnée d'avoir fait obtenir un passeport argentin à un redoutable terroriste syrien. Ouais, ça, c'est en effet embarrassant. Hein. Mais l'affaire en restera pourtant là, au moins pour Menem. Car bientôt, c'est un autre personnage clé qu'on va s'intéresser. Qui ? Le juge Galeano. Le patron de l'enquête, donc. Lui-même. Il est accusé par les services secrets argentins, qui ont changé de tête après l'élection du président Néstor Kirchner, d'avoir délibérément égaré l'enquête. Et de quelle façon, alors ? Galeano aurait donné 400 000 dollars à l'homme qui a vendu la camionnette du deuxième attentat. Mais dans quel but, là ? Obtenir une déclaration accusant des policiers d'avoir parti lié avec les terroristes. Ces policiers, là, ont été effectivement arrêtés et emprisonnés ? C'est ça. D'accord, alors, encore une fois, dans quel but ? Notez que la mise en cause de ces hommes correspondait tout à fait à la volonté iranienne de ne pas apparaître dans cette affaire. Alors, une affaire, oui, qui deviendrait uniquement argentine, car fomentée par des policiers d'extrême-droite. Absolument. Les 400 000 dollars, là, d'où viendraient-ils ? Une petite partie de l'argent versé à Menem. Si Menem a vraiment touché, ce qui n'est nullement établi. Décidément, c'est bien compliqué. En tout cas, le magistrat qui a entre-temps démissionné, pensant ainsi se mettre à l'abri, est quand même arrêté, inculpé. Pardonnez-moi, mais je trouve ça très très gros, moi. Sans doute, car il ne faut pas oublier les luttes politiques souterraines qui ont alimenté ces spectaculaires coups de théâtre. Mais une chose est quand même acquise. Le président Kirchner est bien décidé à en finir avec ces mœurs mafieuses. Il a reconnu publiquement la responsabilité de l'État dans ses graves carences de la justice de son pays. C'est bien, c'est même courageux, mais ça ne fait pas avancer l'enquête pour autant. Hein. Toutefois, la piste iranienne va devenir de plus en plus chaude. Et le nouveau juge chargé de l'affaire Rodolfo Canicoba Corral vient même de délivrer un mandat international pour crimes contre l'humanité à l'encontre de l'ayatollah, qui était président de l'Iran au moment des attentats. Oui, Rafsanjani. Hein. C'est ça, oui. Ouais. Mais je vois mal cet ayatollah répondre de ses actes devant la justice internationale. Vous avez raison. Ce mandat d'arrêt restera virtuel. Mais il a en tout cas provoqué des remous en Argentine. Si l'action du juge a été naturellement approuvée par la communauté juive, il s'est trouvé des proches du président Kirchner pour désapprouver cette initiative. Pour quelle raison ? Parce qu'ils ont estimé que ce mandat d'arrêt émis contre un ancien dignitaire iranien ne l'avait été qu'à cause des pressions exercées par les États-Unis et Israël. Et vous pensez que c'est vrai ? Ces pressions existent. Elles sont même parfois très voyantes. Mais il est clair que dans la situation internationale actuelle, tout ce qui peut affaiblir l'Iran est bienvenu, tant à Washington qu'à Jérusalem. Quoi qu'il en soit, La polémique a été vive en Argentine et Kirchner a même dû se séparer de l'un de ses ministres qui s'était rendu à l'ambassade iranienne pour dénoncer les ingérences américaines et israéliennes. Mmh. Mais est-ce que la réalité de ces pressions exonère pour autant la responsabilité iranienne et celle du Hezbollah ? Il est peut-être enfin temps de me répondre franchement. Soit. Alors comme il n'existe pas de preuves, cherchons les mobiles. Et remontons un peu le temps. En février 1992 exactement, le 15 février, un commando palestinien réussit à s'introduire dans un camp d'entraînement israélien et tue 3 recrues. Fidèle à sa politique de représailles systématique, l'État hébreu riposte dès le lendemain. 3 raids sont effectués par l'aviation israélienne au-dessus du Liban. Il y aura 20 morts. Mmh. Et quelles sont les cibles ? 2 camps palestiniens sont bombardés. Et le 3e raid vise un convoi motorisé où se trouve Abbas Moussaoui, le chef du Hezbollah. Mmh. Et il est tué dans ce bombardement, c'est ça hein ? Oui, avec sa femme et sa fille. Et c'est Hassan Nasrallah qui lui succédera à la tête du Hezbollah. Moussaoui, il faut le signaler, était un proche de l'ayatollah Rafsanjani. Alors, je commence à voir où vous voulez en venir. L'attentat contre l'ambassade israélienne de Buenos Aires aurait été perpétré pour venger Moussaoui. Exactement 40 jours après la mort de ce dernier. Mm-hmm. Et le deuxième attentat, alors ? Le 21 mai 1994, dans la plaine de la Beka, au Liban, un dirigeant du Hezbollah, Mustafa Birani, est enlevé par un commando de Tzahal. Puis, le 2 juin, l'aviation israélienne lance un raid meurtrier sur une base du Hezbollah, toujours dans la plaine de la Beka, et on comptera 35 morts. Mmh, et ça, c'est juste un peu plus de 40 jours après le 18 juillet. Hein, ce sera l'attentat à Buenos Aires contre l'AMIA, la mutuelle juive. Hein. Alors c'est vrai qu'il est difficile de ne pas croire à une opération de représailles. D'autant, et l'information est passée quasi inaperçue, qu'un journal arabe, paraissant à Londres, avait écrit 4 jours avant l'attentat que le Hezbollah avait obtenu un feu vert pour mener une action spectaculaire loin du Liban. Et ça correspond parfaitement à ce qui s'est passé en Argentine, ça. Mais ce feu vert, là, donné par qui ? Oh, vraisemblablement par Téhéran. Où se trouvent les vrais maîtres du Hezbollah. Hein. Mm-hmm. Tout ça, bah oui, c'est effectivement très troublant. Et pourtant, le véritable mobile se trouve peut-être ailleurs. Je vous explique. Les autorités argentines et iraniennes ont longtemps entretenu de très bons rapports, basés en particulier sur les ventes d'armes. Des armes fabriquées par les Argentins qui, en retour, seraient payées en livraison de pétrole. Du troc, en somme. Oui, mais ça ne plaisait pas à tout le monde. Et en particulier à l'Arabie Saoudite qui craignait la montée en puissance de l'Iran chiite dans le Golfe. L'Arabie Saoudite qui avait les moyens de demander à son allié états-unien de faire pression sur l'Argentine pour qu'elle mette fin à ce commerce. Et les Argentins ont été obligés de s'incliner ? Washington faisait alors la pluie et le beau temps en Amérique latine. Mais Buenos Aires et Téhéran coopérer dans un domaine encore plus sensible et qui est toujours d'actualité en Iran. Ouais, je vois ce que vous voulez dire, là. Le nucléaire. Le nucléaire, oui. L'Argentine et l'Iran avaient signé un contrat de presque 20 millions de dollars pour la fourniture d'équipements destinés à une unité pilote de purification d'uranium et donc de production de combustible nucléaire. Mais les États-Unis ont eu vent de l'affaire. Et une nouvelle fois, ils font pression sur les dirigeants argentins. Contraints et forcés, le président Carlos Menem doit rompre le contrat. À Téhéran, les ayatollahs sont bien sûr foudrage. Et comment alors Menem justifie-t-il cette rupture vis-à-vis des Iraniens ? Ben, il invoque le traité de non-prolifération nucléaire, ce que n'acceptent pas les Iraniens qui rétorquent que ces équipements sont seulement destinés à un usage pacifique. Oui, des centrales nucléaires pour produire de l'électricité. Et c'est ce qu'ils prétendent toujours aujourd'hui, en se livrant à des opérations d'enrichissement d'uranium que condamne une grande partie de la communauté internationale. Et quand Menem décide-t-il de rompre ce contrat-là ? En janvier 1992. Ah, alors, donc quelques semaines avant l'attentat contre l'ambassade israélienne. Encore une coïncidence. Mais, attendez, pourquoi s'en prendre aux Israéliens ? Parce qu'ils n'ont pas dû être étrangers aux pressions exercées sur Menem. Comme vous le savez, Israël craint par-dessus tout la nucléarisation de l'Iran. Alors, d'après vous, l'Iran aurait pu commanditer ce premier attentat pour adresser un avertissement à l'Argentine. Rappelez-vous, Téhéran n'a-t-il pas agi autrement avec nous, Français, lorsque nous avons refusé de donner suite au contrat Eurodif, cette coopération nucléaire que nous avions entamée avec l'Iran du temps du Shah ? Et que la France a rompu hein, quand les ayatollahs sont arrivés au pouvoir. Les Iraniens ont d'abord protesté, puis réclamé l'argent qu'ils avaient investi dans Eurodif, Et comme nous avons fait la sourde oreille, ils ont commencé à perpétrer les attentats en France, dont certains ont été très sanglants. Et derrière, il y avait le Hezbollah, leurs bras armés. Et finalement, nous avons fini par rembourser. Bien évidemment. Alors, pourquoi les Iraniens n'auraient-ils pas traité la rupture du contrat passé avec l'Argentine de la même façon ? Un dernier mot, si vous le permettez. Je reste, pour ma part, persuadé que les terroristes ont bénéficié de complicité sur place. L'Argentine, donc. Et qui ? D'anciens nazis. N'oubliez pas que, pour ces criminels de guerre, la destruction totale de l'immeuble de Lamia, où les Juifs avaient rassemblé des fiches sur les anciens nazis, était une véritable bénédiction. Mais peut-être en saura-t-on plus un jour, puisque le président Kirchner, à la différence de Menem, semble vraiment décidé à faire la lumière sur les conditions dans lesquelles les autorités de son pays ont accueilli au lendemain de la guerre des centaines de criminels de guerre allemands et croates. Enfin, une dernière citation empruntée à un numéro de Libération d'octobre 2006 qui confirme quelques-unes des informations de M. X. Le juge Juan Galeano a été destitué par le Conseil de la magistrature en août 2005, accusé d'avoir monté un scénario fictif visant à privilégier une fausse piste liée à l'extrême droite dans l'attentat. Le responsable des services secrets de l'époque a été mis en examen, tandis que le ministre de l'Intérieur et même l'ex-président Carlos Menem sont dans la ligne de mire de la justice pour avoir monté de toutes pièces une enquête bidon en livrant de faux coupables achetés pour 400 000 dollars par le juge Galeano. Quant au récent rapport d'enquête, s'il précise les responsabilités iraniennes et qualifie l'ambassade d'Iran d'épicentre du complot, il reste vague sur les complicités locales et ne précise pas les liens entre le Hezbollah et l'importante communauté syro-libanaise qui réside dans la triple frontière, une zone grise à cheval entre l'Argentine, le Brésil et le Paraguay. Mais ça, M. X l'avait déjà dit.